Je reviens, j'ai perdu quelques années de merde. Tranquille, après avoir rempli quelques sachets de gerbes. Ok, après avoir pris des grosses claques dans les dangers. Pas grand chose à dire, mais moi je rappe dans les temps. Je suis pas tout seul, alors je me la colle plus le soir. J'ai suivi ma bonne étoile, disons un putain de pulsar. Docteur, tout va bien, j'ai plus besoin de calme. Il me demande, vous êtes sûr? J'ai dit, écoute mon con, j'suis trop parti en 7 su. On m'a dit de changer, j'ai pas compris le message. J'ai dit non merci, puis j'ai appris que le destin me vengeait. J'ai vu des gens qui attiraient le danger. Grâce à la tise, des jambes s'écartaient sur mon passage, comme Moïse. Je me suis perdu dans un monde sans dessus dessous, sans sentiment, sans pitié, sans fair play. Si j'ai voulu me faire plaisir, chercher les réponses avant de connaître le problème. Et quand j'écris, je suis un peu trop moi-même. Je fais partie des gens qui écrivent quand ça va et quand tout part en couille. Dans la voix ça sent et dans le sens ça se voit. À contresens depuis la naissance, j'avance à reculons et je pense que j'aurais pas été loin si je meurs demain. Ma vie a sombré dans les abysses, là où les pensées effrayantes se créent. Mais qui connaît mon secret? Mais qui me connaît vraiment? Peut-être ma mère ou mon frère? Non, t'inquiète, d'autres savent très bien qui je suis ou pour qui je me prends. Changement d'humeur possible d'une seconde à l'autre. Changement d'état aussi. Un sourire et une larme quand je vois mes fautes. Un sourire et une larme quand je me dis putain mais quel con. Concentre sur mes problèmes d'être humain. Quel j'suis là pour t'offenser, expier tes péchés dans ses têtes. Ah ouais, là pour balancer les pires dégâts des êtres, c'est clair. Temps d'écouter, d'avancer au bord des fenêtres, ça merde. Si t'as le temps d'écouter, c'est peut-être que t'es pas si bête. Au fond des qualités perso, j't'en ai pas trouvé. Des quantités de défauts, et le pire c'est qu'ils vont m'approuver. Espèce de merde, j'rappe, plus rien à prouver. Non, tes parents t'ont couvé. Du coup, l'avenir c'est un peu trop dur à soulever. Pendant que tu baillais, cherchais des phases pour tailler. Satisfait quand je me disais ça y est, donne-moi une pute morte à grailler. Et franchement, vanner les humains dans ce putain de monde, c'est pas compliqué, donc je me fais marrer même quand je mens.